Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les dimanches matins de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien évidemment, je vous souhaite au nom de toute l'équipe de Radio Fadjet un excellent Noël, un joyeux Noël. Et bon, on va avoir un petit programme autour de ce thème évidemment aujourd'hui. Et pour commencer, eh bien un conte de Noël, Casse-Noisette. Alors qu'est-ce que c'est que cette œuvre-là? C'est un ballet de Tchaïkovski qui date de l'année qui précède la mort du compositeur, 1892. Et c'est son troisième grand ballet après Le Lac des Cygnes et La Belle au Bois Dormant. Alors c'est l'histoire d'un casse-noisette qui s'anime le soir de Noël, qui prend la tête des jouets. C'est un petit peu l'histoire de Toy Story, quelque chose évidemment d'un peu fantastique et qui correspond tout à fait à cette atmosphère de Noël où on s'offre des cadeaux, les enfants ont des jouets et où la magie est toujours présente. Alors voici l'ouverture miniature qui ouvre justement ce casse-noisette de Tchaïkovski. On l'écoute interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Mislav Rostropovitch. Miniature de Casse-Noisette de Tchaïkovski avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Mislav Rostropovitch. Et à présent, un chant de Noël parmi les plus célèbres au Tannenbaum, c'est le Noël allemand, que traduit en français par Mon beau sapin, que l'on va écouter avec un ténor, un des grands ténors d'aujourd'hui, c'est Jonas Kaufmann, qui chante souvent les grands rôles wagnériens, des rôles extrêmement sérieux à l'opéra, mais comme beaucoup d'artistes lyriques, eh bien, il a gravé son programme de Noël parce que ce sont des disques, eh bien évidemment, sur le plan commercial, qui se vendent très bien et qui font toujours plaisir. Alors voici ce Tannenbaum du Noël traditionnel allemand, chanté par Jonas Kaufmann, l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg et dirigé par Jochen Rieder. Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat mich zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. O Tannenbaum, du Noël traditionnel allemand, chanté par Jonas Kaufmann. Un peu de la musique de Fritz Kreisler à présent, c'est de la musique légère, certains diront même de la musique de salon. Bon, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est une musique qui a tellement de charme. Pourquoi donner des étiquettes? En tout cas, c'est vraiment une pièce magnifique que son chant d'amour, son Liebeslied. Alors, qui était ce Fritz Kreisler? C'était l'un des plus grands violonistes de son temps, au début du XXe siècle. Il vivait à Vienne et il s'amusait souvent à pasticher les compositions des anciens, de Vivaldi, de Pugnani et d'autres qui étaient des compositeurs à l'époque peu joués, peu connus. Et Fritz Kreisler, il est parti à New York lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Autriche. Et il lui est arrivé une mésaventure terrible parce qu'il s'est fait heurter par un camion dans une rue de New York. Et avec cet accident, il n'a vraiment jamais vraiment récupéré ses capacités. Et il est mort en 1962. Il était né en 1875. Voici ce Liebeslied, chant d'amour de Fritz Kreisler, joué au violon par Joshua Bell et au piano par Paul Cocker. Liebeslied, chant d'amour de Fritz Kreisler, interprété au violon par Joshua Bell et au piano par Paul Cocker. Or, c'est une musique en sépia, un peu nostalgique. Bon, c'est très joli à écouter à Noël, mais ça correspond peut-être pas vraiment à l'esprit de Noël, loin de là. Alors voici l'Alléluia du Messie, qui lui, en fait, n'est pas vraiment non plus très adapté à Noël, parce que c'est une musique qui évoque plutôt la résurrection et qui est plutôt propice aux périodes de Pâques. Bon, l'Alléluia, évidemment, le Messie, une œuvre parmi les plus célèbres de la musique sacrée. Handel l'a composée assez tardivement, peu de temps finalement avant sa mort. Il y a plusieurs versions, parce qu'il y a eu plusieurs créations, une à Dublin, une à Londres, enfin voilà, tout ça est un peu compliqué, mais c'est une œuvre évidemment sublime. Je vous en propose donc tout de suite l'Alléluia, avec The English Concert et le chœur, dirigé par Trevor Pinnock. Oh, l'Alléluia du Messie de Handel avec The English Concert et le chœur dirigé par Trevor Pinnock. Un peu de Mozart maintenant et sa promenade en traîneau. En fait, le titre, c'est Danse allemande. Et ce sont des danses qui ont été composées par Mozart pour le carnaval à Vienne, la dernière année de sa vie, évidemment. L'hiver 1791, il ne l'a pas beaucoup vu puisqu'il est mort le 5 décembre. Voici cette promenade en traîneau de Mozart avec les grelots, s'il vous plaît, par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. La promenade en traîneau de Mozart, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan. Alors je suis sûr que Mozart aurait utilisé et composé pour le Celesta s'il avait connu cet instrument qui est apparu à la fin du 19e siècle et qui a l'apparence d'un piano. C'est un instrument à clavier, le Celesta, avec un son un peu cristallin. Et l'un des premiers compositeurs, grands compositeurs à avoir écrit pour le Celesta, c'est Tchaïkovski. Justement, dans son Casse-noisette, dont on a écouté l'ouverture tout à l'heure, eh bien, il utilise le Celesta pour la danse de la fée dragée. Alors la voici tout de suite, cette danse, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigée cette fois par Mislav Rostropovitch. Thank you. La danse de la fée dragée, tirée de Casse-noisette de Tchaïkovski, avec l'orchestre philharmonique de Berlin et Mislav Rostropovitch. Allez, on va retrouver Jonas Kaufmann, qu'on a écouté tout à l'heure dans O Tannenbaum, Mon beau sapin. Bah, voici encore un chant traditionnel allemand de Noël. C'est Stille Nacht, traduit en français souvent par Douce nuit. Jonas Kaufmann. Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur das traute, heilige Paar. Holder Knab im lockichten Haar, schlafe in himmlischer Schlafe in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt, Jesus in deiner Geburt. Stille Nacht, heilige Nacht, aus des Himmels goldenen Höhn uns der Gnaden Fülle lässt sehn, Jesum in Menschengestalt, Jesum in Menschengestalt. Sich heut alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Falke der Welt, Jesus die Falke der Welt. Belle voix de Jonas Kaufmann dans Stille Nacht, douce nuit du Noël traditionnel allemand. On s'attendrait pas forcément à trouver de la musique de Gustav Mahler dans un programme de Noël, mais moi j'ai osé, donc la troisième symphonie, parce que il y a un mouvement chanté par un chœur d'enfants qui ressemble un peu à un chant de Noël, ça s'appelle le Komodo, et je trouvais que ça avait toute sa place dans ce type de programme. Alors on va l'écouter, interprété par le chœur de l'orchestre Philharmonia, le Philharmonia Orchestra, dirigé par Lorin Mazel. Thank you. Un extrait de la troisième symphonie de Gustav Mahler avec le chœur Philharmonia et l'orchestre Philharmonia dirigé par Lorin Maazel. Un peu de Bach pour ce programme de Noël avec l'oratorio de Noël qui est une œuvre en fait constituée de trois cantates qui évoquent la nativité et le Bach les a réunis en une seule et même œuvre en un grand oratorio en 1734. Bien, je vous propose tout de suite le chœur d'entrée, le chœur d'ouverture chanté par le chœur Bach de Munich, l'orchestre Bach de Munich, tous sous la direction de Karl Richter. Thank you. Le chœur d'entrée de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, avec le chœur et l'orchestre Bach de Munich dirigé par Karl Richter. On va retrouver pour la dernière fois Tchaïkovski et son casse-noisette avec la pièce la plus célèbre sans doute de ce ballet, c'est la Valse des Fleurs, toujours interprétée par l'orchestre philharmonique de Berlin et Mislav Rostropovitch. Thank you. valse des fleurs de Tchaïkovski tirée de son ballet Casse-Noisette avec l'orchestre philharmonique de Berlin, direction Mislav Rostropovitch. On écoute encore un chant de Noël, ça vous dit? Bah moi oui, beaucoup, parce que j'adore la voix de Jonas Kaufmann. On a déjà entendu ce ténor deux fois au cours de l'émission. Bah voici une troisième diffusion d'un chant de Noël avec White Christmas. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day merry and bright, and may all your Christmases be white. The treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. Chant très très célèbre de Noël, le Noël anglais, enfin américain, anglo-américain, White Christmas, avec la belle voix de Jonas Kaufmann. Allez, on va terminer l'émission avec Bach, l'oratorio de Noël. La deuxième partie s'ouvre avec une sinfonia qui est en fait une pastorale qui évoque la crèche. Et donc il y a des hautbois qui symbolisent un peu les instruments des bergers. Alors voici cette sinfonia qui ouvre la deuxième partie de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach avec l'orchestre Bach de Munich dirigé par Karl Richter. La Sinfonia de la deuxième partie de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach avec l'orchestre Bach de Munich, direction Karl Richter. Et bien voilà, notre émission de Noël est terminée. Toute l'équipe de Radio Fadjet se joint à moi une nouvelle fois pour vous souhaiter une belle journée de Noël, un bon 25 décembre. Et bah pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Bon dimanche à toutes et à tous et à très très bientôt, j'espère.